savoir dans quel laboratoire vous travaillez. Si c'est un laboratoire, en fait, quel votre métier en fait. Enfin, si vous pouvez nous l'expliquer. Alors moi je suis professeure à Aix-Marseille Université et je suis dans un laboratoire qui s'appelle le CEREJ, le Centre Européen de Recherche et d'Enseignement en Géosciences de l'Environnement à Aix. Et ma formation est une formation d'agronome au départ et je me suis spécialisée en sciences du sol. Ça, c'est ma formation de base, c'est ce que j'enseigne également aux étudiants. Et je fais de la recherche à la fois sur le sol et les transferts sol-plante, d'où la relation avec la phytoremédiation. D'accord. D'accord. En particulier les problèmes de dégradation des sols et de réhabilitation des sols. D'accord. Moi, j'aurais mieux à la lire ici. Oui. Donc, comment vous définiriez la phytoremédiation en quelque sorte? Dans quel procédé la chaîne La phytoremédiation a une définition assez précise, hein. C'est pas un terme comme ça qu'on utilise parce qu'on ne sait pas utiliser autre chose. J'essaie de vous le retrouver. C'est l'utilisation de plantes, en attendant que je le retrouve clairement, hein. C'est l'utilisation de plantes pour réhabiliter des sols. Mais attendez, je vais vous la donner, ça me fatiguera moins, ce sera plus précis. Et Et ça me permettra ensuite d'expliquer pour à partir de la définition qu'il y a plusieurs types de remédiation. C'est pour ça. Donc la définition, c'est l'utilisation des plantes vertes pour éliminer les polluants de l'environnement ou les rendre inoffensifs. Donc ça veut dire d'une part éliminer, donc avec les techniques hein, de phytoremédiation, on peut éliminer le polluant. Donc à partir de, si on dit éliminer, ça veut dire qu'après il n'y en aura plus dans le sol. quand même. Ou les rendre inoffensifs, c'est-à-dire faire qu'ils le soient globalement, qu'ils soient immobiles et qu'ils ne puissent plus atteindre une cible biologique. Ou avoir des conséquences néfastes pour l'eau, etc. D'accord. Ce traitement s'applique sur l'eau, l'air et les sols aussi. Les techniques de phytoremédiation, oui, peuvent s'appliquer sur l'eau, l'air et les sols. D'accord. Justement, parler de ces techniques, ces différentes techniques. Oui. Les techniques de phytoremédiation. Je suis en train de penser à ça, c'est parce qu'en fait, il faut bien voir que quand on traite un problème de contamination, de pollution, les techniques de phytoremédiation, ce n'est qu'un type de technique de remédiation. Il y a plein d'autres techniques qui existent, qui sont physiques, qui sont chimiques, qui sont aussi biologiques, mais qui ne sont pas de la phytoremédiation, et qui vont intervenir soit quand la phytoremédiation ne fonctionne pas, soit en complément, soit en préalable, etc. Hein? Donc c'est pas, il faut pas considérer que la phytoremédiation, c'est vraiment, ou les phytoremédiations sont des techniques qui sont omniprésentes et sont les techniques les plus importantes et les plus utilisées. C'est pas du tout le cas. Et vous pouvez nous donner un exemple où la phytoremédiation ne peut pas être utilisée? Ou dire. Je réponds à votre question ou à la première question d'abord? D'abord la première, comme ça ouais. on garde le. Alors, je vais enlever ça parce que. Poserai les questions personnelles après. Ouais, vous poserez la question après. Vous passez pas votre machin parce que. Sinon, ça va devenir assez décousu. Je regarde, j'en profite parce que j'ai un cours là-dessus, donc j'en profite pour m'appuyer dessus, comme ça je n'oublie rien. Pour médiation, il y a les techniques, puisqu'on a dit inoffensif, rendre inoffensif, donc inertiser, on va dire, ou éliminer. Donc on va voir tout ce qui concerne l'extraction, inclut la phytoextraction, celle à laquelle on pense le plus, mais également le phytomining dont vous avez parlé. Et puis vous avez également les techniques de stabilisation, on va appeler ça la phytostabilisation. Mais ça, ce sont deux grandes catégories dans lesquelles on a encore d'autres types des sous-catégories. Alors, pour la, par exemple, pour la, la phyto, les techniques d'élimination, on a la phytovolatilisation, donc on va éliminer en volatilisant le polluant grâce aux plantes. La phytoextraction, celle dont je viens vous parler, c'est le prélèvement par la plante dans les parties aériennes et donc l'élimination, l'exportation des parties aériennes. Donc on va extraire le polluant du sol. Le phytomining, c'est la même chose que la phytoextraction, mais c'est à visée économique. Donc c'est pas forcément pour dépolluer, c'est vraiment pour extraire. Et puis on a également la phytostimulation et la phytotransformation, qui sont des techniques qui, sont, qui utilisent les plantes plus pour les organiques cette fois-ci, qui permettent de les dégrader. En général, la plante est là comme soutien, c'est pas forcément le, l'organisme le prépondérant dans la technique. Ce sont les micro-organismes qui sont associés aux plantes qui vont faire le travail, en général. En tout cas, une partie du travail. Donc ça, ce sont les techniques de, d'extraction. Puis ensuite, on a les techniques de stabilisation. Alors la stabilisation, c'est quoi? C'est, comme je vous dis, on immobilise le polluant et on évite qu'il soit, soit transféré dans, enfin, qu'il soit transféré dans un autre compartiment. Donc ça veut dire une immobilisation au sens physique, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir bouger, hein, il ne va plus pouvoir migrer avec l'eau par exemple ou avec l'air, et une immobilisation chimique, ce qui veut dire qu'il ne sera plus disponible pour les organismes. D'accord. Il y a les deux aspects. Et donc on parle de, d'immobilisation par les plantes, également quand on parle de deux choses différentes. Quand on parle de phytostabilisation, ça peut vouloir dire que la plante, eh bien, va immobiliser le polluant dans ses racines. Mais en fait, on parle également de phytostabilisation quand on traite d'abord le sol pour immobiliser chimiquement le polluant et après seulement on va mettre une végétation dessus. Auquel cas, la plante fait de la stabilisation, mais n'intervient pas dans l'immobilisation du polluant, vraiment. Et dans, dans ce cas-là, en fait, c'est une amélioration de la technique, en fait. C'est en quelque sorte. Oui et non, c'est-à-dire que c'est pas une amélioration. Quelquefois, on peut pas faire autrement. Quand il y a trop de polluants, la plante ne. Il faut bien voir qu'on parle de plantes. Ce sont des organismes qui ont une certaine tolérance. C'est comme nous. Ils sont plus ou moins tolérantes. Quand on parle de phytoremédiation de polluants, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des plantes qui soient tolérantes aux polluants. Mais il y a des plantes qui sont plus ou moins tolérantes, même si on les choisit pour ça. Et puis, il y a tout simplement des concentrations de polluants qui vont être plus ou moins importantes. Et au-dessus d'un certain seuil, eh bien, ça va être, dans tous les cas, trop important pour la plante. Elle ne pourra pas supporter. Donc, si on veut pouvoir installer des plantes parce que par ailleurs les autres techniques de remédiation ne sont pas applicables, eh bien il va falloir traiter le sol pour diminuer la disponibilité, c'est-à-dire la possibilité pour le polluant de polluer, de passer dans l'eau et que la plante prélève ça. Hein? Donc, et auquel cas c'est ça qu'on va appeler. Donc c'est pas une amélioration de la technique, c'est une nécessité. Juste rajouter de l'eau, c'est ça? Non, il faut pas rajouter de l'eau. Non, le... non, l'eau, elle existe tout le temps. L'eau, elle existe tout le temps. Il y a première chose, l'eau existe tout le temps. En tout cas, sous nos climats, elle existe tout le temps. La deuxième chose, c'est qu'une plante ne prélève que du liquide. Elle n'est pas capable de prélever du sol solide. D'accord ? Donc, le polluant, pour pouvoir passer dans la plante, dans tous les cas, doit passer par l'eau du sol. Donc, la première chose est, effectivement, pour qu'il y ait de la phytoremédiation, il faut qu'il y ait de l'eau. Parce que sinon, la plante ne peut pas pousser et le polluant ne pourra pas passer dans la plante. Donc, il faut de l'eau, d'une part. Et d'autre part, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, ce que l'on veut éviter en stabilisation, justement, quand on va dire que l'on met quelque chose pour immobiliser le polluant, on va mettre quelque chose pour l'immobiliser sur la face solide, pour qu'il ne passe plus, pour qu'il ne passe plus en solution. Et que lorsque l'on met de l'eau, eh bien, même s'il y a de l'eau, il ne va pas en solution et donc ne peut pas aller dans la plante. D'accord. Donc ne peut pas être toxique. Voilà. Okay. Donc c'est l'inverse de ce que vous avez voilà. dit. Donc, et pour, je reviens donc à tout ce qui est stabilisation, il y a ces grandes familles, ce sont celles qui sont les plus utilisées. Après, il y a des techniques un peu plus qui existent aussi, mais auxquelles on pense moins, qu'on appelle les barrières hydrauliques. Ça veut dire que l'on utilise, là on va traiter vraiment même en profondeur jusqu'à la nappe. Et on essaie de conduire les racines de manière à ce qu'elles aillent très profondément et qu'elles pompent l'eau. Auquel cas, on crée une rupture capillaire d'une certaine manière. On empêche l'eau de couler et donc on limite la progression de la nappe avec le contaminant. C'est ce qu'on appelle une barrière hydraulique. Et puis ensuite, il y a les techniques de réseau-filtration. Dans ces cas-là, on va dépolluer, comme vous disiez, l'eau, c'est pas le sol, et on va donc faire baigner les racines des plantes dans de l'eau, et c'est l'eau qui va être épurée par ce biais-là. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin que le métal ou le polluant aille dans les parties aériennes, puisqu'on peut récupérer les racines aussi. Et ces techniques, elles sont utilisées dans les centres d'épuration de l'eau ou... Et il y a une autre dernière technique, ça va répondre à votre question, qui s'appelle le lagunage. Ça, vous en avez certainement entendu parler. C'est ce que vous voyez et qui est par ailleurs très utilisé. C'est l'épandage dans des zones humides, on va dire, des eaux usées, avec comme idée de faire épurer les eaux usées par les micro-organismes, par les échanges avec l'atmosphère et puis avec les plantes. Donc là, le lagunage, c'est utilisé. La réseau-filtration, un petit peu moins. Mais ça peut. La barrière hydraulique, ben c'est ponctuel. Ça dépend de la configuration, de la contamination. Et puis la stabilisation, c'est typiquement, indépendamment même de la pollution, c'est quelque chose qui a été fait de manière, qui est toujours fait de manière très courante. Quand vous plantez des arbres sur les talus de route que vous venez de construire, c'est de la stabilisation par les plantes. Donc c'est de la phytostabilisation. D'accord ? D'accord. Donc les termes peuvent être également associés à des techniques qui n'ont pas forcément à voir avec la contamination. D'accord. C'est clair tout ça ? Oui, c'est clair. Ouais. Ensuite, on voulait poser la question, si vous faites de la recherche, est-ce que votre lab, enfin, vous connaissez dans la région, par exemple, des exemples de phytoremédiation sur des terrains pollués qui ont été pollués par le passé. Alors, la stabilisation, il y en a régulièrement, un petit peu partout, parce que les gens essaient d'immobiliser les zones contaminées comme ils peuvent. Et c'est au niveau du particulier, là, que c'est utilisé ? Non, alors, ce qui se passe pour ces techniques-là, il y a d'une part la recherche, comme nous, il y a des personnes qui travaillent là-dessus, qui essaient de développer des alternatives. En général, on s'intéresse aux cas un peu plus... compliqués ou pour lesquels on n'a pas encore vraiment de solution. Et ensuite, il y a les bureaux d'études qui travaillent également et qui essaient d'appliquer des techniques de phytoremédiation. D'accord. Donc, et bien selon la technique que je vous ai, c'est vrai pour certaines des techniques que je vous ai présentées, c'est pas vrai pour d'autres. Par exemple, la phytoextraction, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place, qu'on aimerait bien voir fonctionner. C'est jusqu'à maintenant quelque chose qui est quand même malgré tout assez peu développé parce qu'ils font des conditions bien particulières pour que ça fonctionne. D'accord. Donc. Par contre, le phytomining, ça existe. Malheureusement, comme ce sont des privés qui l'ont développé, on a assez peu de retours là-dessus. Et oui, ils ne publient pas parce que ce sont des... Il y a des brevets là derrière qui sont en jeu. Et par contre, la stabilisation, ça s'est fait un petit peu à tout va. Quoi. Mais et tout ce qui est lagunage, filtration, lits de roseaux plantés, etc., pour l'épuration des eaux, ça c'est quelque chose qui est appliqué aussi, je dirais pas en routine, mais c'est utilisé dans les bureaux d'études. Ouais. D'accord. Mais la phytoextraction et le phytominage, en fait, c'est à peu près la même chose. Le changement, c'est après sur comment récupérer le polluant, non? Non, le changement, comme je vous ai dit, c'est simplement le fait que un a une visée économique et l'autre pas. D'accord. C'est-à-dire que la phytoextraction, on essaie de la développer sur les sols contaminés, qu'on essaie de réhabiliter pour pouvoir les réutiliser comme sol agricole en particulier. C'est quand même ça, au final, l'idéal. Le phytomining, c'est l'utilisation de plantes pour extraire les métaux de zones qui sont déjà des mines, en fait. Ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a développé le phytomining alors qu'il y a des techniques d'extraction minière qui sont efficaces, hein? Parce que c'est dangereux aussi, non? Non, c'est pas parce que c'est dangereux, c'est parce que pour certains éléments, les mines sont des mines de surface, donc elles sont étendues sur de grandes surfaces, et elles sont à faible concentration, ce qui veut dire que les techniques industrielles classiques ne sont pas efficaces. D'accord? Et avec le temps, hein, on exploite de plus en plus nos ressources minières, donc on en a de moins en moins. Pour beaucoup d'éléments, on est en train d'aboutir à des épuisements, des réserves, hein. Et donc on se tourne vers des gisements qui sont moins riches. Et pour certains éléments, eh bien, le phytomining serait une manière d'extraire, d'exploiter ces gisements moins riches, qui sont par ailleurs sur de grandes surfaces. Et c'est le cas, par exemple, pour le nickel. Donc en Nouvelle-Calédonie, par exemple, vous avez des... Bon, c'est pas là-bas qu'ils ont vraiment développé ça. Apparemment, ils ont développé cette technique pour le nickel et le phytomining en Afrique du Sud et peut-être en Australie aussi. Mais ce sont... Mais c'est le même style de mine comme en Nouvelle-Calédonie, vous en avez peut-être entendu parler. Ça recouvre de très grandes surfaces, mais c'est superficiel. Donc d'une part ça détruit le paysage parce qu'ils vont décaper, hein, quand ils vont extraire, et d'autre part selon les concentrations, eh bien c'est pas du tout rentable économiquement, donc ils recherchent une technique qui serait moins chère, parce que le nerf de la guerre, et pourquoi est-ce qu'on développe aussi toutes ces techniques, c'est qu'elles sont, en plus d'être écologiques entre guillemets, vertes on va dire, durables, en plus de pouvoir récupérer un sol au final, elles sont également moins chères, normalement. Et donc ça, c'est ce qui intéresse le plus. D'accord. Ouais. Il nous reste alors quelques questions sur... Le seul problème, c'est que ça dure longtemps. Ben voilà, c'est ce qu'on avait justement voulu... On avait voulu faire une expérience avec des plantes phytoremédiatrices sur des sols pollués et non pollués. Mais on a vu que le problème, c'est le temps que la plante pousse, en fait, on aurait... J'ai fini notre TPE, le pré. Ah, pour vous, puis pour vous, ça, etc. Ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, si pour nous, on arrivait à dépolluer en un an, on serait super contents. Hein. Mais ce n'est pas le cas. Ça dure plusieurs années. Voilà. Alors, vous, pour votre TPE, c'est sûr. Vous avez essayé quoi? On avait essayé la moutarde brune. Mais ce n'est pas une plante qui va extraire énormément. Ah oui? C'est lesquelles les plantes, justement? On voulait juste prouver la survie de la plante, en fait. On voulait juste montrer que la plante survit. Alors que par rapport à d'autres... D'accord, ok. Ouais, je suis pas sûre que la moutarde brune survive. C'est quoi le nom latin? C'est Junkai... Brassica Junkai. Junkai, en fait. Oui. C'est la moutarde indienne. Oui, c'est ça. Elle est très tolérante, c'est vrai. Elle accumule un petit peu plus que les autres plantes agronomiques, mais pas tant que ça. Puis ça dépend des éléments. Vous avez des noms de plantes qui sont... qui sortent vraiment du lot pour certains. Alors, pour les métaux, hein, je vais parler plutôt des métaux. Je ne sais pas, vous êtes focalisé sur les métaux ou les organiques ou tout, C'est un peu plus focalisé sur les métaux quand même. Sur les métaux, Mais sur les métaux, en fait, on est parti d'un bilan sur les sols pollués en France. Et donc, du coup, on s'est plus dirigé après sur les pollutions avec des métaux lourds, en fait. D'accord. Oh, excusez-moi. Alors, pour les métaux, il y a deux types de plantes, en fait. Deux grands types. Il y a ce qu'on appelle les plantes agronomiques ou les plantes qu'on utilise pour la bioénergie, qui sont des plantes qui sont connues. Donc, c'est les plantes de culture qu'on a sélectionnées. En général, on les a sélectionnées sur des critères de productivité, rentabilité, donc croissance rapide, réponse aux fertilisants, possibilité de culture répétée, etc. Grosse, forte, je l'ai dit, forte biomasse, etc., etc. Donc des critères comme pour le blé, etc. Voilà, c'est la même chose. Donc on a d'une part dans cette catégorie-là les plantes qui sont cultivées pour l'alimentation humaine ou animale et les plantes qui sont cultivées pour la bioénergie. Comme par exemple le saule, le peuplier. Hein. Voilà. Donc ces grandes catégories-là sont des plantes qu'on va bien connaître. Mmh. Parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire pour qu'elles poussent super bien. Dans cette catégorie-là, on a quelques plantes qui accumulent un peu plus que les autres. Hein. Exemple le tabac. Mais pas énormément. Donc on compte plus sur leur biomasse pour extraire que sur les concentrations qu'elles ont à disposition. Et même en combinant les deux, c'est pas toujours 100% efficace. Alors, il y a des gens qui essaient de les améliorer pour les pousser à accumuler plus de métaux. Ça, c'est une orientation. La deuxième orientation, c'est l'utilisation de plantes qu'on appelle les hyperaccumulatrices. Les hyperaccumulatrices, ce sont des plantes qui ont des concentrations extrêmes par rapport aux plantes naturelles. Donc, elles sont aussi extrêmement tolérantes. Le facteur, c'est, on va dire, un facteur 100, à peu près. Le problème de ces plantes-là, c'est que, souvent, elles n'hyperaccumulent que 1 ou 2 métaux. Donc, elles sont pas, on peut pas leur, c'est pas des plantes qui vont accumuler tous les métaux. Et si elles n'hyperaccumulent pas un métal, eh ben, elles seront peut-être non tolérantes à d'autres métaux. Donc, elles ne sont pas plus tolérantes aux autres métaux que les plantes classiques. Bien sûr, elles sont tolérantes et hyper tolérantes au métal qu'elles hyperaccumulent. Ça, c'est normal. Ces plantes-là, ce sont des plantes, pour la quasi-totalité, sauvages. Donc, ce sont des plantes qu'on ne connaît pas bien d'un point de vue besoin, d'un point de vue culture. On n'a pas de banque de graines, souvent, à disposition pour pouvoir tout d'un coup planter un champ de ça. Ça se développe, hein, ça se développe. Il y en a qui ont commencé à planter des champs complets avec ces plantes-là, mais voilà, il y a plus de réflexion à avoir pour ce genre de plantes parce qu'elles ne sont pas cultivées depuis des dizaines d'années. Il n'y a pas eu de programme de sélection comme pour les plantes agronomiques. D'accord. Du coup, elles ont une moins grande biomasse, etc. Par rapport. Alors souvent, effectivement, elles ont une moins grande biomasse que les autres, en tout cas en climat tempéré. Après, en climat tropical, on peut trouver des plantes hyperaccumulatrices pour certains éléments qui ont des fortes biomasses. Et donc, du coup, le choix n'est pas forcément très élevé. Par rapport aux plantes pour le métal, c'est ça? Oui. Et c'est quel métal qui peut se faire extraire par le plus de plantes, en fait? En fait, c'est le nickel, jusqu'à nickel. Maintenant. Mais attends, ça, c'est, si on regarde le nombre de plantes hyper accumulatrices, c'est le nickel. C'est vrai aussi que c'est ce que les gens ont recherché ou ont découvert en premier. Donc, évidemment, forcément, il n'y a pas eu de prospection systématique au niveau mondial. Donc, on est passé à côté de plantes. C'est la famille des brassicacées, qui est également la famille des plantes qui contient le plus d'hyperaccumulatrice. Et la Brassica yunkea est également une brassicacée. D'accord. Donc il y a probablement une raison constitutive là-dedans. Ce serait une raison génétique en fait pour les. Oui, peut-être. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé le gène de l'hyperaccumulation. Il y en a qui espéraient le trouver, puis hop, de pouvoir le transférer comme ça dans une plante non hyperaccumulatrice. Hein. Ça fait 10-15 ans déjà qu'ils pensaient qu'il y avait un gène, qu'ils allaient le trouver et qu'ils allaient faire ça. C'est toujours pas arrivé. Hein. Donc, on a un peu oublié l'idée. C'est plus complexe que ça. C'est pas juste un gène qui va faire le travail. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment on sait qu'un sol est pollué et en quoi on... C'est quoi les techniques pour savoir la spécificité de la pollution? Pour savoir si le sol est pollué en cuivre ou en zinc. Bon, ça, c'est tout simple. On a des méthodes. Alors, c'est plus simple. Il y a d'abord une première chose. à laquelle la plupart des gens sont pas sensibles, c'est que dans un sol, on a, si on a un polluant, on a la concentration totale dans ce polluant qui va être dans le sol. C'est ce qu'on, bon, la concentration totale. Pour ça, on a plein de méthodes pour le faire. Et il n'y a pas de discussion, si on applique la méthode qu'il faut, qui est connue, eh bien, on va avoir le total, c'est-à-dire on saura exactement combien il y a en concentration en milligrammes par kilo d'un polluant. Ça, c'est une chose. Sauf que ce qui nous intéresse souvent, ce n'est pas le total. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le disponible. Et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, le disponible, c'est ce qui va pouvoir, ou le mobile, c'est ce qui va pouvoir bouger dans le sol. Et donc, si ça bouge, c'est dangereux, hein, pour simplifier un petit peu. Si ça bouge, c'est dangereux. Si ça bouge, ça va pouvoir aller dans l'eau, ça va pouvoir partir dans les nappes, ça va pouvoir se volatiliser, ça va pouvoir passer dans les plantes, ça va pouvoir être absorbé par les organismes, y compris les bactéries. Donc, ça va pouvoir avoir un effet toxique. Donc, ce que cherchent les gens, c'est d'une part avoir le total, parce que c'est important, ça nous donne une information sur le degré de contamination, mais on veut également avoir une idée sur cette fraction qui est disponible, qui est plus petite, qui est disponible. Le problème, c'est que là, pour le coup, il n'y a pas consensus pour savoir comment mesurer ça. Donc, il y a plein de techniques, il y a plein d'approches différentes, aussi bien que vous allez trouver dans la réglementation, dans la bibliographie scientifique, etc. C'est très, très variable. Et c'est variable pourquoi ? Parce que, en fait, ça dépend de ce que l'on recherche. Si on recherche un risque pour la nappe, si on recherche un risque pour les plantes, si on recherche un risque pour les animaux, etc. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je ne vais pas détailler plus que ça. Parce qu'en plus, cet équilibre qu'il y a entre la phase solide et la phase liquide n'est pas stable. Voilà. Voilà. Et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs dans la phytostabilisation. On essaie de déplacer cet équilibre vers la phase solide pour qu'il y en ait le moins possible qui passe en solution. D'accord ? Le seul problème, c'est que les plantes, les animaux également, et l'eau en fonction de sa qualité, sont capables de, quelquefois, eh ben, de prélever également sur la phase solide, enfin de désorber, parce qu'ils vont produire, par exemple, les organismes, bah, d'abord les vers de terre, eux, prélèvent la terre, déjà, hein, ils absorbent la terre, ils mangent la terre, et donc ils ne vont pas dissoudre complètement la terre, mais ils vont faire un processus de dissolution partielle qui va faire que le polluant va passer en solution. Il va intoxiquer le ver de terre. Ou éventuellement finir dans le sol après. Oui, parce que c'est dans le tube digestif du ver de terre. De la même manière, la plante, eh bien la plante, on imagine une plante qui prélève de l'eau comme dans un vase, hein, on rajoute de l'eau. Mais la plante produit également par ses racines des choses qui vont aller dans l'eau et qui modifie la composition de l'eau. Ah, d'accord. Cool. Et du coup, ouais, ça modifie ces produits-là, ça peut être des acides, par exemple, qui vont attaquer le sol et qui vont extraire également les polluants du sol. Ouais. Et ça, ça dépend des plantes. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et ça dépend du sol également. Les sols ne sont pas tous pareils. Donc voilà, j'ai répondu, mais de manière très compliquée à votre question. Alors, pour revenir à la première question qui était comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Globalement, pour avoir du total, c'est facile. On va prendre le sol et on va le dissoudre complètement. Comment est-ce qu'on dissout un sol complètement? Vous devez savoir. Quels sont les produits qui vont dissoudre tout? Il y en a deux types, mais en général plutôt un. Oui? Bah, des acides, effectivement. On va utiliser des acides. Hein. J'avais vu en quatrième, je ne m'en souviens plus. Vous voyez pas ça en S? Non, pour l'instant, non, on n'a pas acides encore vu les sols. Non, mais les acides forts. Les acides forts, non? Des acides qui détruisent tout. le pire, celui qui... Ah, c'est le sulfurique, non ? Non, non, pour les sols, celui qui va vraiment tout détruire, y compris les silicates, c'est-à-dire les, tout ce qui est argile et autres, c'est l'acide fluorhydrique. Après, on peut utiliser de l'acide nitrique, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, tout ça en mélange, mais ça ne, ça n'attaque pas complètement. Ça fait presque le total, mais vous verrez que si vous mettez tous ces acides-là, sulfurique, chlorhydrique et nitrique ensemble, faut se méfier quand même, hein. Vous amusez pas à ça, hein. On fait ça dans un certain ordre et d'une certaine manière. Vous aurez toujours un résidu de sol. Il va jamais se dissoudre complètement. Par contre, si vous mettez de l'acide fluorhydrique, eh bien, vous allez le dissoudre complètement. Ensuite, on pourra regarder... Après, ce sera, vous aurez une solution et vous allez pouvoir mesurer avec des appareils de détection, des spectrophotomètres, des spectromètres des gros appareils. Ouais. Vous allez pouvoir, qui identifient les éléments, hein, au niveau atomique, vous allez pouvoir analyser les concentrations qu'il y aura en solution et donc rapporter ça à ce qu'il y avait dans le sol initialement. Pour le mobile ou disponible, on va faire la même chose. On va mettre le sol en contact avec une solution, mais moins forte, qu'on considérera comme étant ce qui pourrait, dans la nature, mettre en solution l'élément. Donc, ça va être des sels, souvent des sels dilués ou décomplexants. Des acides organiques ou des choses comme ça. Du coup, à notre niveau, en fait, pour une expérience, si on avait voulu mesurer le taux de pollution dans un sol, etc., ça aurait été très compliqué de le mettre en place. Ah oui, ah oui. Après, il y a des appareils qui permettent de ne pas passer en solution. C'est vrai. Il y a des appareils qui sont des appareils de terrain, souvent. Mais non, c'est pas vrai. On a aussi en laboratoire. Mais ça peut être un appareil de terrain qui est qu'on appelle la fluorescence X et qui mesure directement sur le solide. Effectivement. Donc ça, vous allez aussi le trouver dans les bureaux d'études. Ils peuvent avoir cet appareil-là. Donc vous auriez pu le faire comme ça. Mais d'abord, il faut l'appareil quand même, ouais. Et il est très cher. Et d'autre part, il faut que la pollution soit quand même très élevée pour pouvoir l'identifier. Voilà. Donc ce que je vous ai décrit tout à l'heure avec des dissolutions, ça vous permet de mesurer toutes les concentrations possibles. Hein? Ouais. On arrive, il n'y a pas de limite fin. Oui, mais il faut qu'elle soit très très très très basse pour ne pas pouvoir le détecter. Par contre, avec l'appareil en fluorescence X de terrain, donc sur le solide, là, on a des seuils de détection qui sont beaucoup plus élevés. Donc, on ne pourra pas forcément... On va utiliser l'appareil et on a l'impression qu'il ne verra rien. Et il ne verra rien simplement parce qu'il n'est pas capable de le voir. Ça ne voudra pas dire qu'il n'est pas contaminé. D'accord. Et voilà. Donc, vous, pour revenir effectivement à votre question, non, ça aurait été très, très compliqué. Il n'y a pas de système simple, sauf à tester des plantes et montrer que voilà, elles ne poussent pas. D'accord. Ça vous donne une information qualitative, mais pas quantitative. Et ça vous donne pas une information sur le total. Ça vous donne une information sur ce qui est disponible pour la plante que vous aurez testée. Excusez-moi. Pays, en fait, c'était le plus. Quel pays était le plus focalisé sur cette technique? Oui, alors écoutez, actuellement, objectivement, je ne peux pas vous dire en termes d'application chez les privés, etc. On n'a pas de contrôle sur ce que font les privés. Ce que je peux vous dire, c'est où ça a commencé et donc logiquement où il y a le plus de chances de trouver le plus d'informations. Donc ça a commencé aux États-Unis, mais également dans les pays d'Europe du Nord. Donc, quand je parle de pays Europe du Nord, j'inclus l'Allemagne, la Hollande, la Suisse, la Suède, etc. Et pourquoi ça? Parce que ces pays... bon, les Américains, parce qu'ils cherchent toujours à tout va les moyens de développer des choses. Et pourquoi les autres pays? C'est parce qu'ils avaient déjà, et ils ont toujours, des réglementations sur la contamination des sols qui sont... Bon, un, ils ont une réglementation, on va commencer par là. On n'en a pas en France, avec des seuils, des concentrations maximales, etc. Et ils sont relativement, ils sont très stricts, et ils avaient des seuils très bas également. Et quand on veut appliquer ce type de réglementation, vous allez comprendre, c'est une question un petit peu mathématique, hein, histoire. C'est que si on a des seuils très bas, eh bien, si on regarde sur un pays, on va avoir en proportion plus de sols contaminés que le même pays qui aurait eu une réglementation plus haute, avec des seuils plus hauts. D'accord ? On prend le même pays. Il a une réglementation très, très contraignante. Il va se retrouver avec, je ne sais pas quoi, par exemple, la moitié de son, de, du pays qui est en zone contaminée, parce qu'ils ont décidé que ce serait contaminé au-dessus d'une valeur qui est par ailleurs très basse. Okay. Au contraire, si vous avez un seuil très élevé, bah avant que l'ensemble des sols ait dépassé cette valeur très élevée, bah vous allez pouvoir attendre longtemps. Ce qui veut dire que finalement, il y aura très peu de sols qui seront contaminés. Pourtant, en France, il y a des sols qui sont classés comme contaminés par le ministère de l'écologie. De l'écologie, oui. Oui, alors, mais je reviens donc à cette histoire-là et je répondrai à votre question. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé avec des pays qui avaient des grandes surfaces qui potentiellement pouvaient être contaminées. Ça veut dire également des contaminations relativement basses et qui touchent beaucoup plus de sols agricoles. Tout ça, c'est un petit peu, c'est un, peu un jeu de domino, hein. Donc, ils ont recherché des techniques qui permettaient de ne pas détruire les sols agricoles, de les réhabiliter éventuellement et d'être appliquées sur de grandes surfaces. Et c'est ce qu'apportaient les techniques de phytoremédiation. Les autres techniques à disposition sont en général beaucoup plus violentes et ont tendance à détruire le sol et sont beaucoup plus chères. Et donc, c'est ce que les pays qui avaient des réglementations avec des seuils plus élevés ou qui n'avaient pas de réglementation, ces techniques-là qui ont été appliquées, qui sont toujours appliquées. Alors, oui, le ministère de l'écologie a deux sites, le site Basias et le site Bassol, qui répertorient pour Basias l'ensemble des zones avec des activités dangereuses et pour Bassol les sites contaminés qui demandent un suivi. Ce sont des sites industriel, d'accord ? Ça ne prend en compte qu'une partie des sols contaminés du pays. Donc, ce n'est pas du tout représentatif. C'est pas du tout représentatif. Ce qu'il faut savoir au niveau français, mais également au niveau mondial, c'est qu'on n'a aucune idée quantitative des sols contaminés. On ne sait pas où ils sont ni combien ils sont. On a des estimations par rapport aux utilisations qui en ont été faites, mais on ne sait pas combien. En France, on ne sait pas. On dit, bah oui, c'est vrai, si on fait... On va dire, bon, bah, les sols de vigne, on a mis du cuivre, donc ils doivent être plus ou moins contaminés. Ouais, plus ou moins. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On délimite toutes les zones de sols de vigne, puis on dit que c'est des sols contaminés. C'est un peu difficile, hein. En plus, on n'en sait rien. Il y en a certains qui ne vont pas être vraiment contaminés. Ça dépend de leur historique, etc. Donc ça, ça vous donne un exemple. C'est vrai pour plein de choses. On a pendant très très longtemps épandu des boues d'épuration qui étaient contaminées. Maintenant, on les contrôle. Mais avant, elles étaient contaminées. On ne savait pas. On les a épandues, on a contaminé les sols. Sauf que, à l'époque, on ne savait pas que les boues étaient contaminées, on ne savait pas de combien, et on ne tenait pas de cahier pour savoir où on épandait. Donc, les sols contaminés par les boues d'épuration, on n'en a aucune idée. D'accord ? Et ça, on pourrait multiplier les exemples. Donc, c'est quelque chose. C'est vrai pour la contamination des sols. Et maintenant, là, j'entonne mon couplet de sciences du sol, pédologue. Hein. C'est vrai pour toutes les dégradations des sols. On n'a pas de... On a beaucoup de mal à avoir une évaluation quantitative. D'accord. C'est pour ça qu'on ne protège pas et c'est pour ça qu'on ne remédie pas. D'accord. Ok, je crois qu'on a fini niveau questions. C'est bon ? C'est bon. Ouais. Ça vous va ? Bon, ben bah voilà. Bah, merci beaucoup. J'espère merci beaucoup que j'ai répondu clairement à ce que vous vouliez. Ouais, c'était très clair aussi. Ouais, au revoir. Nickel, bon. Là, c'était très gentil. Mais de rien. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me la poser par téléphone. Ou... D'accord, pas de problème. Ouais, par mail. Je préfère par téléphone, c'est plus facile à dire. D'accord. Si je dois commencer à écrire 3 pages, je vais prendre plus de temps à répondre que si... Bon, vous avez vu, lui, il a essayé plusieurs fois pour m'appeler.